Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses et variées, c'est Lost in Space à 21h tapante. Et aujourd'hui, nous allons faire dans le français, dans le français rock'n'roll, avec La Souris Déglinguée et tous les groupes qui ont pu tourner presque autour pendant toutes ces 30 ans, voire même 40 ans de carrière. Donc on va aussi avoir quelques groupes un peu plus oeil, parce que La Souris Déglinguée avait quand même la particularité d'être capable de passer de plusieurs styles de musique à l'autre, en passant du rock punk classique au rockabilly, au reggae, au ska, et donc c'est parti pour plus de 2 heures maintenant de sélection par rapport à ça, et on commence avec Jeunesse de France, allez go! Non, c'est mort, ce matin. Si tu m'aimes, veux-tu disparaître? Le meurtre est une chose comme un chien, un vagabond sans étaler, sans étaler, sans étaler. Oh, comme une âme vers un embrun, un poète sans étaler. Oh, dans une âme, au cœur de vin, un qui d'âme s'est effacé. Les médecins refusent de trop s'attarder. Dans six yeux le ciel et l'éteint se catalysent pour pleurer, pour pleurer, pour pleurer. Oh, comme l'âme fait un embrun, un poète s'en est allé. Oh, dans une âme odeur de vin, un qui l'a le ciel. La bière, qu'est-ce qu'elle a fait de moi la bière? La bière.

me cavalcade, me cavale sur les rails pour leur échapper. De Jaurès à Stalingrad, à quoi je pense, à quoi je rêve, FLN, résistance. Qu'est-ce que tu manigances, un complot d'indifférence. Abat les adultes qui bloquent la ville. Tous de salons à l'état brut. Saute la barrière, on te tire dans les jambes. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à foutre. Comme tes idoles, tu traînes dans la chambre. Tu danses le pop de la dernière chance. Donna la lettre qui portait ces mots à Ebenezer Balfour de Chaos, Esquire, en son château de Chaos, pour lui être remise par mon fils Davy Balfour. Venez danser le rap, des rap-tos.

Cœur battit violemment à la pensée de l'avenir grandiose qui s'ouvrait ainsi devant un garçon de 17 ans, fils d'un magister de village dans la forêt d'Ettrick. Chaîne à vélo, monopole de la violence contre ma délinquance. Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias? Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias? Est-ce que tu le sais? Pourquoi je te hais? Pourquoi je me bats toujours contre toi? Je cherche à détruire tous tes préjugés. Je cherche à détruire tout est programmé. Génération destruction. Un peu de vengeance sur ta vengeance. Samedi soir, la jeunesse s'amuse avec l'argent fric dans les discours juifs. Les mecs en bas sont dans la rue. Place de la we'll be right back. temps. Je me baladais paisiblement sur le boulevard, presque sans vêtements. Je me baladais sur l'avenue, le corps ouvert aux inconnus. Quand soudain vous êtes apparu, et là mon petit cœur a flanché. Je me suis senti bouleversé quand vous m'avez plaqué au sol. Puis les mains sur toi de la bagnole pour me faire une soupe corporelle. J'avais si froid, je suis si frêle, je me suis senti vite rassuré dans vos bras en sécurité. S'il vous plaît, monsieur le policier, gardez-moi en captivité. S'il vous plaît, jetez-moi au trou, je veux passer la nuit avec vous. Mettez-moi donc les menaces. Je ferai plus l'idiote, je veux passer la nuit au poste, s'il vous plaît. Jetez-moi au trou, dehors il n'y a que des voyous. Moi je veux passer la nuit avec vous. La matraque et le revolver, vous faites la traque aux gangsters. Vous débarrassez notre vie, pays de la racaille et des bandits. Vous êtes si viril et si fort, si prestigieux dans l'uniforme. Menottez-moi à votre poignet, je ne veux plus jamais vous quitter. S'il vous plaît, monsieur le policier, gardez-moi en captivité. Je jure, je ferai plus l'idiote. Je veux passer la nuit au poste, s'il vous plaît. Jetez-moi au trou. Dehors, il n'y a que des voyous. Moi, je veux passer la nuit avec vous. Je veux passer la nuit avec vous. Je veux passer la nuit avec vous. Jusqu'aux confins du ciel, la furie de ce monde paraît éternelle. Je sens la violence et je vois le chaos. J'entends la délinquance hurler bien haut. Je ressens la douleur comme je vois la torture. J'ai goûté ton malheur, j'ai touché tes blessures. Sous un ciel écarlate,

usine se sont arrêtés. Et si la machine les a sacrifiés, un cœur ne peut pas se remplacer. Un cœur ne peut pas se remplacer. Un cœur ne peut pas se remplacer. Je suis tombé amoureux d'une putain de zone. Depuis le jour où je l'ai connue, elle me colle à la peau. D'ailleurs toi tu la connais, aussi bien je la connais, puisque tu es né sur la zone. Sur la zone, sans point jusqu'à Mignoncourt, de Pleyel jusqu'à Sarcelles. Sur la zone, et tout là-bas, tout au nord, on l'a aimé la première fois. Elle avait qu'un seul nom, et son nom c'est la zone. Quand elle m'a dit je t'aime, y'a Bastia et Patricia, Saïd et tous les autres, François Pérez et ses frères, les meilleurs et j'en passe. Ils ont pas voulu sortir, ils sont restés là-bas, car ils m'ont dit que tout est mieux sur leur zone. Et sur la zone de Saint-Bois jusqu'à Mignoncourt, de Pleyel jusqu'à Sarcelles. Sur la zone et tout là-bas, tout au nord, on l'a aimé la première fois. Elle avait qu'un seul nom et son nom c'est la zone. Quand elle m'a dit je t'aime. Dit le ministre, j'irai, et tout de suite. Un vaillant garçon comme vous doit arriver à Cramond, qui est tout près d'Édimbourg, en 2 jours de marche. Explose électrique, mutant métallique, tu agresses la ville, tu viens tout détruire. Grève, Voilà, c'était le groupe Metal Urbain. Toute la journée, faudrait indemniser les jeunes. c'est pas moi que ça gêne. À l'école, ils me disent qu'il n'y a rien à en tirer. Donc je suis un fumiste, je fais mieux de me tirer. J'ai rien voulu apprendre, j'ai rien voulu comprendre. Faut pas rêver, je serai jamais le premier. J'ai des conneries, faut pas m'en vouloir. C'est parce que je suis un enfant à problème. Déjà tout petit, je foutais le bordel. Ne pleurez pas, non, c'est pas mal de sa chaîne. Maintenant, ça va être à vous. Je vous quitte. Au revoir, mamselle. Si vous voulez jamais avoir de mes nouvelles, demandez gras double, tout le monde vous répondra. Thank you. plus la nuit sera blanche, plus le jour sera long, plus on aura la chance de trouver ce qu'il manque. On avance lentement à bord d'une déesse noire, pour éteindre les phares, on met nos yeux pour voir. La radio allumée, ça fera un bruit d'ambiance, ça trompera le silence, ça prépare à la danse. Plus la nuit sera blanche, plus le jour sera long, plus la nuit sera blanche. On troublera la paix des reflets de la lune, et on vivra dans l'eau toutes nos canettes de crocs. On fera boire les poissons et ils feront des bulles. Et pour finir la nuit, on chantera à tue-tête, et ce sera la fête à tous les noctambules. Plus la nuit sera blanche, plus le jour sera long. Plus la nuit sera blanche, sera long. On y va. Ch-

C'est bien, vous pouvez entrer. Thank you.

Elsa Fraulein, les porte-manteaux, puisqu'on est ensemble chaque dimanche de 14h20 à 15h15. Chaque dimanche, comme ça, il y aura un coup de cœur. Et là, le coup de cœur, je veux dire que les porte-manteaux, non seulement ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a pas mal de temps que je suis fan de ce que vous faites, mais en plus, cette fois-ci, je crois vraiment que c'est le hit. Alors pourquoi Elsa Fraulein ? Elsa Fraulein, c'est une petite fille, qui vit de l'autre côté du mur de Berlin. Et qui, comme en parlent tous ces groupes allemands en ce moment, ont beaucoup de problèmes pour casser ce mur, briser cette glace qui se trouve en face de nous, quoi. Bébé, Coco, Sylvain et Fabrice, vous avez tous eu à un moment ou à un autre un déclic qui vous a poussé à faire ce que vous faites aujourd'hui, à faire du rock sur scène. Qu'est-ce que ça a été, ce déclic ? Bah, le déclic, c'est un petit peu la révolte qu'on avait quand on était tous les quatre au Bahut. C'est nos 18 ans, quand on est sortis de l'école, quand on a commencé à zoner un petit peu, puis à se dire que de toute façon, on ne savait rien faire d'autre que de gratter, jouer sur une guitare et de créer des chansons, quoi. Un petit peu, notre truc à nous, c'est quand même un petit peu social, quoi. Je veux dire, on a toujours des chansons politiques, un petit peu révolutionnaires, quoi. Et musicalement, ça a été qui ? C'est aussi quand il y a eu tous les groupes français qui ont commencé, genre des vieux groupes comme Oberkampf, La Souris, ces groupes-là qui nous ont donné aussi envie de faire du rock. Il y a encore des plus vieux groupes que ça, comme Téléphone, Star Shooter, Metal Urbain. Ces groupes-là aussi. Alors on pourrait demander à Mathilde, qu'est-ce que t'as fait ce soir en nous écoutant ? Bah j'ai dansé. Super ! Bravo ! En tous les cas, je vous demande de les réapplaudir. Oh Mathilde, tu te quedas sola. Oh Mathilde, oh Mathilde, quand tu es belle dia. Oh Mathilde, Mathilde. le climat. Trois morts depuis hier. Si ça doit tomber comme à Stalingrad, une fois ça suffit. On est, on vit. On prépare. Comme ça pour tout le monde. Pas forcément. Enfin, je veux dire, on meurt pas forcément dans son lit. Yes, sir. Well, welcome, sir. My name is John. Yes, sir. Tu crois? On a 15 ans qu'on fait le trottoir pour le Mexicain. J'ai pas l'intention de continuer à tapiner votre fantôme. Le trottoir, le sapin. C'est drôle, ça. On croirait que tu cherches les mots qui blessent. Quand même marrant, les mecs. Quand je l'ai connu, le Mexicain, il recrutait pas chez tonton. Vous savez ce que c'est, non? Là, l'éloignement. À la fin de sa vie, il s'était penché sur le reclassement de l'Eliol. Ah, si c'est une œuvre, alors là... Là, c'est beaucoup. La planche, j'ai plus ma tête. Vous voyez bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. La planche, j'ai plus ma tête. Alors, il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Voir un polphonie, on peut dire que tu en es un. Un quoi? Un vrai chef. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé d'un petit bout de façon puzzle. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Le boulevard qu'elle suivait longeait le talus des fortifications et dans l'herbe roussie, poussiéreuse, usée par plaques, des gens étaient couchés qui dormaient sur le dos ou sur le ventre, selon qu'ils étaient plus ou moins aguerris contre le soleil, tandis que d'autres s'étiraient les bras, leur sommeil interrompu, en attendant de le reprendre. qu'aimer, on se rappellera l'esquive idéale à la fontaine des innocents qui faisait très peur aux passants en levant droit le bras. On se rappellera la bande d'Achille et de Jean-Claude et de Chris de Blaise qui avait le cœur sur la main quand il levait. Thank you. Ce qu'elle vit de la physionomie de ceux-ci, de leur tête ravagée, culottée, hirsute, de leur guenille, et de la façon dont il est porté, lui fit comprendre que cette population des fortifications ne devait pas, en effet, être très rassurante la nuit, et que les coups de couteau devaient s'échanger là facilement. The dark that you create, the hooligans out on your street, but you pray you never meet, that's true. Oh, where the violence in your town, the riot that you can't lock down, the hooligans that you kill some, the ones who never ever run from you. Yeah! suis pas né à Bangkok, je ne suis même pas né à Paris, moi je suis né à Bobigny. Devenir un grand cerveau, mais je t'ai dépanné sur les pitchs ou avec ces purs rigolos. Je finirai sur mon bureau, je roulerai dans les caniveaux, et c'est pas parce que t'es là que c'est toi qui empêchera ça. Plus je m'essaye. Elle ne s'arrêta pas à cet examen, maintenant sans intérêt pour elle, puisqu'elle ne se trouverait pas mêlée à ces gens, et elle regarda de l'autre côté, c'est-à-dire vers Paris. Je parle. suis quoi ? Étranger ! Tu es quoi ? Étranger ! Nous sommes quoi ? Étranger ! Étranger ! Je suis quoi ? Étranger ! Tu es quoi ? Étranger ! Nous sommes quoi ? Étranger !